beaucoup de choses à dire après cette semaine de championnat d'Europe par équipe qui ont eu lieu en France, donc je vais pas faire durer l'intro plus longtemps et on va commencer tout de suite ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Salut Benoît, merci d'être là comme d'habitude. Salut Ewan, bonjour à tous. Avant de commencer, deux petites choses. Première chose, vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas eu d'épisode sur la poule 2 de top 12 pour la dernière journée, la 7ème. Je m'en excuse, petit problème technique, ça nous arrive assez régulièrement quand on y pense. Mais on va se rattraper et on va le sortir dans la semaine sûrement jeudi. Donc ne vous inquiétez pas pour les fans de toutes ces équipes, l'épisode arrive. Deuxième petite chose, bah, cet épisode que vous êtes en train d'écouter sort un jour en retard par rapport à d'habitude, cause week-end chargé on va dire, mais j'espère que la qualité va rattraper le coup. Benoît, c'est là on enregistre donc le lundi soir, avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que t'as vu une bonne semaine de bad déjà, hein, tout compris niveau émotion, niveau ambiance, joueurs présents. Est-ce que c'était plutôt t'as un arrière-goût positif ou plutôt négatif? Non, positif. Le seul regret, pour des raisons évidentes, c'est l'absence de la Russie, parce que je pense qu'ils avaient leur place là et que ça aurait été encore plus fou d'avoir la Russie dans une de ces deux poules. Mais je pense qu'on a vu le meilleur de chaque nation globalement, en vrai. Et puis c'était en France avec peut-être la meilleure équipe de France qu'on ait jamais eue dans une telle compétition. Donc non, franchement, pas de regrets. Enfin, des regrets, il y en aura, mais pas... Ouais, non, un sentiment positif. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Ewan. Ouais, totalement d'accord avec toi. C'est vrai que la Russie, outre toute considération géopolitique purement sportive, oui, ça, oui. Ça avait été un maillon fort de cette compétition et qui nous a fait mal plusieurs fois à nous, Français. Donc c'est vrai que c'est toujours... ça aurait été rajouter un truc supplémentaire. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Les équipes et les pays ont joué le coup à fond. Contrairement aux équipes asiatiques, c'est pour ça qu'on ne parlera pas de ces championnats d'Asie par équipe qui étaient, Benoît, tu vas me confirmer avant qu'on commence, globalement éclaté. Voilà, je vous donne l'info, l'équipe, la Chine a gagné alors qu'ils avaient zéro joueur que vous connaissez quasiment. Ah, t'es dur. En vrai, j'ai vu un tweet passer où ils montraient leurs 4 meilleurs joueurs de tous les tableaux, ça fait 20 joueurs en tout. Je crois qu'il y en a 2 qui étaient là, ça doit être Lu Guangzhu et Gao Fangye, je crois, la joueuse ouais. De simple dame. Il y avait Feng Wang aussi, je crois. Ouais, mais je crois qu'ils ont pas joué finalement. Ah ben non, ils ont gagné avant le dernier match de la finale. Et juste pour vous dire et pour confirmer ce que tu disais, effectivement, même la Malaisie a amené son équipe 2 puisque c'était Lidia qui était titulaire en simple homme. Voilà, il a pas été grandiose encore. Non, mais il y avait quelques bons joueurs, mais globalement, les équipes ont pas du tout joué le coup à fond. C'est pour ça qu'on va pas en parler, qu'on va plutôt positiver avec ces championnats d'Europe où là, toutes les équipes avaient leur force vive. On va parler, dernier truc aussi, on vérifiait juste avant avec Benoît, depuis 2017, donc, enfin depuis l'édition de 2019, c'est une compétition assez resserrée hein, finalement, puisqu'il n'y a que 8 équipes, 2 groupes de 4, les deux meilleurs se qualifient pour les demi et ça roule. On reviendra après sur ce qui se passe avec le tirage des demi. Ouais, et tant qu'on est sur les rappels, peut-être qu'on le dira à la fin, du coup, pour pas trop spoiler l'épisode, mais on donnera les qualifiés pour la Sudirman, puisque ça se jouait pas qu'en Europe cette semaine. Exactement, bien vu Benoît. On va commencer par les phases de groupe, où là, vous allez comprendre, on va aller assez vite. Le premier groupe, on avait Danemark, Écosse, Ukraine, Angleterre. Le suspense, en fait, il y en avait même pas vraiment, Benoît. En vrai, l'Angleterre, eux, pour le coup, je pense qu'ils ont clairement... Ils ont clairement régressé depuis quelques années, parce que ils ont une bonne paire de mixtes, une bonne paire de double hommes, et je pense que... une bonne paire de double dames qui jouaient même plus ensemble très récemment. En simple, c'est plus que compliqué. Donc Benoît, ma question, l'Angleterre s'est qualifiée deuxième derrière le Danemark. Est-ce que t'as eu peur pour leur qualif ou ils avaient quand même un peu de marge ? Ils avaient un peu de marge, je suis pas convaincu. Je pense que ça aurait pu tourner très fort contre l'Écosse. Je pensais que l'Écosse serait capable de presque plus rivalisé. Bon, ça a été le cas, hein, mais je pensais vraiment que l'Écosse pouvait faire cet exploit. Honnêtement, si t'enlèves les trois doubles, qui sont quand même des valeurs assez sûres en Angleterre, waouh, c'est simple. Nous, on peut se plaindre en France, pardon, du niveau du simple dame, mais c'est quand même très flippant pour l'Angleterre, leur niveau actuel. Ah, ils ont personne, hein. En simple dame, et pour le coup, ça dure un petit peu quand même, parce que autant en simple homme, ils pouvaient se dire, ah, on a eu Radivusev, on a eu Penty, et maintenant c'est moins bien. Autant en simple dame, je me souviens même plus le nom de leur joueuse qui jouait pendant très longtemps sur leur compète, mais c'est vrai que maintenant ils ont vraiment plus personne. Fontaine Mika Chapman, pardon. Oui. Voilà la joueuse que je cherchais. Et c'était déjà pas glorieux. Non, c'est ça, mais là c'est des joueuses, limite on les connaît même pas, quoi. Abigail Holden, on voit qui c'est, mais derrière. Donc contre l'Écosse, ils ont gagné 4-1. C'est du coup le simple dame Kirsty Gilmour a évidemment pris ce match. Mais le reste, effectivement, le problème c'est que l'Écosse, ils ont pas non plus de simple homme et que il fallait faire l'exploit sur un ou deux doubles et que exploit il n'y a pas eu. Don Hall ont pris un set à Lane Vendy, mais ça n'a pas suffi, alors que du coup l'Angleterre a gagné assez facilement les autres matchs. Et l'Angleterre, je reste sur eux. Avec leur match contre l'Ukraine, où là aussi, ils ont aussi perdu le simple dame, mais derrière, l'Ukraine n'a pas pu faire grand chose. Benoît, le Danemark pour le coup, eux ils sont un peu baladés, hein, franchement. Kirsty Gilmour a battu Line Christophersen, c'est notable. Du coup, ils ont gagné 4-1 contre l'Écosse, et ils ont gagné 4-1 aussi contre l'Angleterre, puisque la paire Mers-Moore ont battu Thierry Magelund en mixte. Qu'est-ce que tu penses? Jusqu'ici, le Danemark, eux, ils étaient sûrs de finir premier, ils ont fait tourner comme il fallait et tout, ils ont fait des petits ajustements. Voilà. Oui, ils s'en sortent, et globalement, on peut se dire que c'était logique. Maintenant, quand ils font tourner contre l'Angleterre, j'ai pas souvenir d'un Danemark qui faisait tourner à une époque en Europe et qui se retrouvait quand même, je dirais pas en difficulté, mais en vrai, si t'as pas de réussite, tu peux le perdre 3-2. Exactement. J'ai pas de souvenir de ce Danemark-là qui fait tourner et qui se retrouve pas dans un fauteuil, quoi. Oui, puisque le 4-1 du Danemark contre l'Angleterre, quand même... Antonsen a battu facilement Harry Huang, mais derrière, il y a Link Kerfeld qui gagne 21-18 au troisième contre Freya Redfern, qui est 188e mondial. Kjær Søgaard, ça va en double homme. Par contre, Fregard Tigesen qui lâche un set contre Birchmith, à la rigueur, ça, ok. Et donc, Thierry Magelund qui perd contre Mersmoor, mais c'est vrai que l'Angleterre serait pu mal tourner pour le Danemark. Benoît, est-ce que ce serait pas le moment de parler des absents côté danois, puisqu'ils ont mis tout ce qu'ils avaient, mais il leur manquait malgré tout des joueurs et joueuses? Oui, je pense qu'on peut les citer. Il y en a notamment deux majeurs, on va parler d'autres, mais Alexandra Boyeux, pour blessure, il se dit, il n'y a pas eu de communication officielle, mais ça semble être le cas, et Rasmussen pour raison personnelle. Voilà, et Mia Blichfeldt aussi. Et Mia Blichfeldt, pas sélectionnée, je crois, ouais. Mais bon, je la compte quand même dans les absences. Bien sûr, et Raven. Mais pardon, oui, excuse-moi. Qui, elle arrête sa carrière. Non, mais t'as raison de le préciser. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, surtout sur les deux que t'as cités, ça veut dire que tu te retrouves avec Christiansen qui a pas de partenaire et avec Astrup qui n'en a pas non plus. On reviendra là-dessus quand on parlera des demi et surtout de la finale. Là, on va passer à l'autre groupe, celui de la France, le groupe B. I'm the bad guy. Take that. Alors, on était avec qui? On était avec la Bulgarie, les Pays-Bas et l'Allemagne. On va d'abord parler des rencontres des Français, après on parlera du reste. Une première victoire 4-1 contre donc les Pays-Bas. Thomas Junior Popov bat Marc Kaliou 21-14, 21-23, 21-14. Léonie Sué bat Nadia Choukri 21-13, 21-11. Les frères Popov en double homme battent leur némésis, je sais pas, leur rivaux, je sais pas comment l'appeler. La paire Yilevanderlecq, 14-21, 24-22, 21-17. Si on dit ça, c'est parce que c'était la sixième fois qu'ils se jouaient, qu'ils perdaient 3-2. Et qu'ils avaient notamment perdu un match mémorable contre cette paire à Liévin au championnat d'Europe par équipe masculine, qui avait un peu précipité l'élimination de la France en demi. Lambertran en double dame bat Yile Zainen, 21-19, 14-21, 21-18. Et Tom Jikal et Delphine Delru perdent le dernier match contre Tabellin Peak, 21-19, 18-21. 19-21, 21-18, 21-12, Benoît, dès le premier match, un constat assez étonnant, puisque Jikal Delru, qu'on pensait être notre valeur sûre, et qui, dans cette compétition, du coup, il n'y a pas les grosses paires asiatiques, et ben on les pensait qu'ils allaient être invaincus sur cette semaine, et ben c'est eux qui les seuls à perdre leur match sur cette première rencontre. Ouais, alors le fait que tu mènes 4-0 change peut-être la donne. Maintenant, c'est vrai que je te l'accorde, ils ont perdu ce match et c'est tu démarres pas la compétition dans les meilleures conditions. Maintenant, les autres qui étaient pas les plus attendus, même si on les attendait quand même, parce que à part les Onisuets, on peut considérer qu'on avait une équipe type. Franchement, les leaders archi solides sur cette première rencontre parce qu'il fallait pas se trouer. Et en face, il y a eu. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a eu vraiment du répondant. Enfin, les Popov, c'est passé à deux doigts. Il me semble qu'ils sauvent deux volants de match ou un volant de match dans le deuxième set. Enfin, globalement, sur tous les matchs, il y a eu débat, quoi. C'est clair. Moi, si tu m'avais demandé un résultat avant, j'aurais dit Lambertran qui perdent, les Popov qui perdent et on gagne les trois autres. Ok. Ouais, parce que pour moi, les Popov, bon, c'était vraiment du 60-40, je dirais, en faveur des Hollandais, tu vois. Je sais pas, Lambertran, j'étais pas très confiant. Il joue quand même contre une bonne paire européenne, tu vois, 27e mondial, les Hollandaises, donc 4 places devant. Jikal Delru, j'aurais dit victoire pour des raisons évidentes qui sont, je trouve, meilleures que Tabellin Peak. Et Thomas Junior Popov, je le voyais aussi bien battre Marc Kaliou, potentiellement sans perdre de set comme il l'a fait, bon... Pour le coup, on va pas l'accabler, Benoît, parce qu'il a été archi solide dans le troisième et on a jamais vraiment cru qu'il allait perdre ce match. Mais voilà ce que je pense. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a eu et limite plus de satisfaction qu'autre chose parce que le fait que Jikal Delru perde ce match, je me dis ils en ont moins besoin, par exemple, que Lambertran. Tu vois ce que je veux dire, si je puis dire, moins besoin de cette victoire. Quoi. Ils ont plus d'acquis. Oui, et puis tu es à 4-0, donc tu l'abordes différemment. Oui, tu l'abordes pas pareil. Je veux dire, c'est donc oui, je suis d'accord avec toi. C'est franchement, tu te dis que eux, ça va pas trop atteindre leur confiance. Par contre, si Lambertran l'avait perdu, ça aurait été relou. Ouais, et puis voilà, ça fait toujours bien des victoires contre des pairs comme clair. Ça. Deuxième match contre la Bulgarie, deuxième victoire 4-1. Chichoufei qui bat Ristomira Popovska 21-19, 21-14. Alex Lanier bat Ivan Rusev 21-13, 21-10. Lambertran cette fois perd contre les sœurs Stoeva 21-13, 12-21, 21-10. Les frères Popov en double battent la paire Nikolov-Yanakiev 21-10, 21-12. Et Jikal Delru bat Gabriela Stoeva 21-10, 21-15. Benoît, là, c'était la rencontre on pouvait faire tourner. Alors, on l'a vu avec Alex Lanier. Par contre, les autres, on a laissé les titulaires et notamment les titulaires de la veille. Moi, j'étais assez surpris quand même. Moi, j'étais assez surpris et presque un peu déçu. Alors, quand on sait ce qui s'est passé après, on se dit « Ah, c'est bien, en fait, ils ont pris des décisions, le staff. » Mais est-ce que c'était pas le moment de les essayer? Alors, est-ce qu'ils ont voulu garder la surprise jusqu'au bout et garder cette ossature sans rien tenter? Peut-être. Maintenant, est-ce que c'était pas le moment d'essayer? Ouais, non, c'est clair. Et puis, tu vois, même en mixte, je sais pas, est-ce que c'était obligé de faire jouer Tom Jikal et Delphine Delru, tu vois? Genre, je suis pas sûr. Même les frères Popov, est-ce qu'ils avaient besoin de jouer en double homme, tu vois? C'est surtout à eux que je pense et au double dame. Le double dame, tu peux partir du principe qu'il est perdu. Ouais. Donc, ouais, mais à la rigueur, ça, je comprends un peu plus parce que, tu vois, t'as pas envie d'envoyer, je sais pas, t'as pas envie d'envoyer au haro pognante, au charbon, tu vois, aller se faire défoncer contre les Stoeva ou va aller vers Solo. Je peux comprendre. J'aurais envoyé Delrutran, tu vois. Delrut Lambert, pardon. Mais oui, sur les jeunes, je suis d'accord avec toi. C'était pas le moment, là. Alors que pour le coup, en double homme, là, tu peux. Alors, double homme, c'est différent, c'est que, Benoît, on n'a même pas parlé de l'équipe amenée par l'équipe de France. Oui, oui. Par le staff français. On fait pas du tout les choses dans l'ordre dans cet épisode, mais. Derrière les pop-off, on avait qui en double homme? Donc, on avait Lucas Corvée et Ronan Labarre, mais pas de. Et je sais que tu l'avais noté dès la compo, toi, dès l'annonce de l'équipe. Pas de William Villéger et Julien Maillot, et j'ai cru comprendre que ça t'avait un peu surpris. On en a parlé dans l'épisode des France tous les deux. Ce qui m'a surpris, c'est surtout William Villéger, que tu amènes pas la paire. Je peux l'entendre, même si je pense que dès qu'ils vont monter un peu, ils vont prendre la place rapidement de Corvée là-bas. Au ranking, je sais pas, mais en équipe de France, j'ai tendance à le penser. Moi, j'amène William Villéger pour une raison simple. C'est ce qu'on a on a fait le choix en finale, on va en parler, de mettre ton meilleur joueur de double. Je pense que William Villéger est ton meilleur joueur de double derrière Tom Jiquel, tout tableau confondu. Donc moi, je l'amène, je tente de faire des paires avec lui, notamment là où est-ce qu'on tente pas un Villéger Popov, est-ce qu'on tente pas un Villéger Jiquel. Moi, je l'aurais amené un couteau suisse de double, c'est jamais trop. Lucas Renoir, il peut faire ça, mais t'as pas envie d'aller cramer Lucas Renoir. Donc voilà, Lucas Renoir, dont c'était, on l'a même pas, enfin, tu sais que tu l'as cité tout à l'heure, mais dont c'était la première sélection en équipe de France. Oui, on l'a vu à la coupe de cheveux. Voilà, exactement, il a eu la crête réglementaire. Affreuse, mais oui. Oui, mais bon, passage obligé. Oui. Et moi, j'étais d'autant plus surpris de cette compo que Lucas Corvée et Ronan Labarre, si tu vois ce que je veux dire, j'ai trouvé un peu moins fédé compatible que Maillot Villéger, tu vois. C'est ça. J'étais assez surpris parce que Ronan Labarre, ça faisait quelques compos qu'il était plus en équipe de France quand même. Oui, mais enfin là, dans l'immédiat, est-ce que c'est un regret de pas avoir fait les sélections après les France? Peut-être. Mais sur les derniers mois, c'était logique d'amener la paire Corvée là-bas. Oui, mais tu vois, ils avaient été écartés, un peu écartés entre guillemets, alors que c'était pas beaucoup plus logique de les écarter. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient pu très bien rester sur leur décision et dire on les prend pas, tu vois. Ouais, mais les choix sont un peu. Enfin, ils ont joué, hein, mais c'est vrai que même là, t'aurais pu les faire jouer en fait, finalement. Bah oui, clairement. Mais en tout cas, je partage pour Villéger. Pour moi, tu l'amènes, même si c'est pour faire jouer un match, c'est juste pour te laisser une possibilité. Le mec sait jouer en mixte, sait jouer en double homme. Puis tu brouilles les cartes en l'amenant. Voilà, tu le prends, et puis voilà. Ouais. Du coup, chez les dames, là, pour le coup, ils ont pris plus de monde, et ils ont pris quasi tout le monde en double dame. Du coup, comme je l'ai dit, ils ont pris les paires Valet-Verselo. Oharo Pognante, plus Théa Marguerite, Margot Lambert, Anne Tran évidemment, et Delphine Delerue. C'est plutôt Pognante Marguerite, ouais, pardon. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, du coup, on revient sur, après cette parenthèse, sur la Bulgarie, où, Benoît, pas grand chose à rajouter. C'est cool d'avoir vu jouer Alex Lanier, Chichoufei qui lançait un peu sa compétition, pas grand chose d'autre à signaler. Non, c'est ça. T'as tout dit. Allez, on finit avec le Allemagne-France, où là, on a vu une compo différente et encore un joueur de simple homme différent, puisque c'est Christo qui a battu Kai Schaefer 21-12, 21-9. Chichoufei a battu Yvonne Lee 20-22, 21-14, 21-15. Lucas Corvée et Ronan Labarre ont battu la paire Seidel-Volker 18-21, 21-16, 24-22. Margot Lambert et Anne Tran ont battu la paire Kupert-Mosinski 21-13, 19-21, 21-14. Et enfin, Tom Jiquel et Delphine Delrue ont battu Janssen et Fleur 21-15, 21-14. Benoît, là, à ce moment-là, on n'avait pas compris Marc Lamsus était blessé. Du coup, on s'est dit, ouais, pourquoi ils ont mis des seconds couteaux? Mais même sans Marc Lamsus, ils ont, à part Yvonne Lee, sinon, il n'y a pas de titulaire, quoi. Même en double dame, pas de Isabelle Lowe, notamment. C'est vrai pour le double dame. La question, en fait, on nous l'a posée sur les réseaux, et l'Allemagne n'avait aucun intérêt à perdre ce match. Même en étant qualifié, c'est ce qu'on disait en off, c'est que en terminant deuxième, l'Allemagne savait qu'elle pouvait effectivement tirer la France en perdant. Mais dans l'autre poule, t'étais sûr de tirer le Danemark. T'avais 50% de chance de tirer le Danemark et d'avoir aucune chance pour le coup d'aller en finale. En sortant premier, tu tirais la France, du coup, que tu venais de battre potentiellement, ou l'Angleterre. les chances, elles étaient quand même beaucoup plus grandes d'aller en finale. Donc l'Allemagne avait aucun intérêt à pas jouer ce match. Ah, mais du coup, pourquoi ils n'ont pas mis leur meilleur joueur sur la feuille ? Bah alors, en double dame, j'ai pas la réponse, parce que je pense qu'elle n'avait pas forcément satisfait jusque-là. En double homme et en mixte, la réponse est clairement parce que Marc Lampsus était déjà blessé. Ouais, mais en double dame, il y a débat. Bah même en mixte, parce que le lendemain, le haut, elle devait jouer en mixte, tu vois. C'est la meilleure joueuse largement, mais là, pour moi, ils ont pas vraiment voulu le gagner non plus. Janssen et Effler, ils se connaissent. Ouais, enfin, est-ce que Effler a le niveau de l'eau ? Non, je suis pas sûr. Ouais, mais c'est compliqué de casser des paires là, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que l'Allemagne s'est retrouvée un peu dépourvue. Je trouve ça étrange quand même. Ok. Je pense pas qu'ils aient pas voulu le jouer, moi, tu vois. Mais bon, peut-être que je me trompe. Ouais, honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, qu'ils aient voulu le jouer ou pas, c'est vrai que j'aurais limite préféré que de le voir cette équipe avec Marc Lampsus, parce que là, ça aurait pu changer beaucoup de choses, en fait. Ils étaient pas si loin, sans lui. Ouais, c'est clair. C'est... Bon, après, là, du coup, la France a fait tourner en double homme, pour le coup. Oui. Mais ouais, sinon c'est dommage. Hein. Oui, on a envie de voir la France gagner, mais on a envie aussi de voir les nations avec leurs meilleurs effectifs. Donc quand t'enlèves ce qui, à mon avis, aujourd'hui est le meilleur joueur de double en Europe, parce que c'est le seul à être aussi fort sur deux tableaux en Europe. Ouais. C'est clair. Il y a Marcus Ellis, mais bon, il joue plus en double homme, donc ton pays n'a plus la même gueule, quoi. C'est clair. Donc voilà, la France qui finit sur un 5-0 face à l'Allemagne. Mmh. Allemagne qui était à ce moment-là, vous l'avez compris avec ce qu'on a dit, certaine de finir dans le top 2, notamment grâce à sa victoire contre les Pays-Bas. Mmh. Où là, Marc Lampsus à ce moment-là n'était pas blessé et il a été bien utile, le Marc. Notamment à la grosse tôle qu'ils ont mis à Tabellin Pikarovic, j'ai pas trouvé d'autres mots, 21-7, 21-13, donc Lampsus le haut. Marc Aliou a gagné pour les Pays-Bas, mais derrière, l'Allemagne a gagné les trois autres. Yvonne Lee qui bat Nadia Choukri. Lampsus qui en a mis une belle aussi, Exidel en double homme à Ile van der Leg, 21-11, 21-18. Et Lao a joué avec Kuspert, cette fois en double dame, et elles ont battu Ile Zainen 23-21 au troisième set. Ouais. Et donc la Bulgarie a perdu les trois rencontres. Ils ont perdu que 3-2 contre l'Allemagne, grâce notamment à la grosse surprise, une des surprises de la semaine, la victoire de Nalbantova, une jeune joueuse qui a 18 ans, je crois, et qui est même pas dans le top 150 mondial, qui a battu Yvonne Lee en 2-7, 21-15, 21-18, et les sœurs Stoeva qui ont gagné en double dame, mais ça c'était un peu plus attendu. Benoît, petit regret quand même de pas avoir vu les sœurs Stoeva avec les deux, tu peux faire 3 tableaux. Notamment quand t'as Stéphanie qui s'est jouée en simple et du coup tu mets Gabriella en double mixte et tu les fais jouer à deux en double dame. Ça n'a jamais été tenté par la Bulgarie, peut-être volonté de faire jouer un peu tout le monde quand même. Ouais, pas cap. En fait, je sais pas ce que vaut Stéphanie en simple à l'international. Oui, elle est championne de Bulgarie encore cette année, mais j'arrive pas à jauger en fait, vu qu'on sait pas est-ce que c'est pas capable de rivaliser sur du top 100 mondial, je sais pas. Mais oui, effectivement, au moins tente le coup, peut-être. Ouais, c'est ça, parce que quand tu vois, par exemple, que la rencontre où ils jouent contre les Pays-Bas, tu peux te dire, bon, à ce moment-là, en plus, c'était déjà perdu, mais en face, c'est Nadia Choukri qui est 248e mondiale, tu vois. Je pense que Stéphanie la mange au petit-déj. Hein. Oui, oui, clairement. Mais ouais, c'était pas la volonté du staff bulgare. Donc, qualifié pour les demi-finales, France, Allemagne, Danemark, Angleterre. Look at this, look at that. Et là, Benoît, un truc qu'on avait oublié, mais qui ne fait pas plaisir, c'est que pour les demi-finales, il y a un tirage au sort entre... Donc, les deux premiers peuvent pas se jouer, mais il y a un tirage au sort pour savoir le premier, quel deuxième y joue, et c'est possible de retomber sur l'équipe de son groupe, et c'est ce qui s'est passé. Benoît, est-ce que tu comprends que ce système soit en place ? Alors, je comprends pourquoi il l'a été. Ça a changé suite au scandale des Jeux Olympiques. Hein. Faut... Mais de toute façon, le BAD est traumatisé depuis 2012 non, hein, à cause de ce genre de trucs. C'est, t'as tout dit. Il y a eu le traumatisme. Et clairement, depuis, ça a changé. Mais il ne faut pas oublier que dans d'autres sports, malheureusement, ce système n'est pas mis en place. Et je pense que les fans d'autres sports reconnaîtront ou se souviendront. Mais l'Espagne est, par exemple, très, très fan de laisser passer des matchs au basket pour éviter les États-Unis, notamment sur des parties de tableau. Donc, ce système, il a quand même... Moi, je dis qu'il n'a pas que des inconvénients parce que ça t'oblige à jouer toutes les rencontres. Et tu sais que tu peux potentiellement, si tu as le Danemark dans ta poule, eh ben, t'es pas protégé de les rejoindre en demi. Donc moi, je comprends pourquoi c'est mis en place, mais bon, ça fait chier de se dire que ce soit l'Angleterre ou nous, hein, de se dire que tu peux reprendre la même équipe, quoi. Ouais, ça, moi je suis assez d'accord, je comprends aussi, mais je suis pas pour en fait, parce que je suis pas fan. Ouais. Là, je trouve que sur un système comme ça, ça n'a pas de sens. La France, enfin, typiquement, n'importe quelle équipe, ils jouent tellement peu de rencontres, à savoir 5 si tu vas en finale. Si sur les 5 que tu joues, il y en a une que tu as joué 2 fois, et qu'en plus, là, avec ce système, c'est l'équipe que tu as joué la veille. Franchement, si, enfin, tu peux te sentir un peu floué si t'as vu une des premières, la première rencontre, celle en phase de groupe, par exemple. Tu vois, tu te dis le lendemain, il y a le même match, mais cette fois, il compte un peu plus. Et du coup, ça veut dire qu'en gros, la journée du jeudi, là, elle a pas compté, puisque du coup, les deux équipes se sont rejouées. Et ouais, non, je trouve ça un peu nul. En fait, je comprends pourquoi ils l'ont mis, et il y a des compétitions où je trouve que c'est justifié. Autant là, sur celle-ci, pas du tout, je trouve. Oui, bah, je partage ton avis. Alors, on va commencer par la France. Là, cette fois, il n'y avait plus le droit à l'erreur contre l'Allemagne, qui n'amenait pas exactement la même compo. Chichoufei a rebattu Yvonne Lee, 21-16, 8-21, 21-11. Benoît, tiens, je vais m'arrêter là, puisque je t'ai même pas lancé sur le match de Chichoufei contre Yvonne Lee la veille. Deux joueuses qui se connaissent très très bien, pour le coup, puisqu'elles s'étaient jouées déjà 6 fois avant cette semaine, donc ça fait 8 maintenant. Et ça faisait 3 partout. Qu'est-ce que t'as pensé de ces deux matchs? Tiens, je vais te le lancer comme ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que Yvonne Lee se mène éclatée au sol. Je l'ai rarement vu aussi à côté de la plaque. Clairement, elle n'a pas aidé l'Allemagne. Marc Lamsus, il était blessé, mais Yvonne Lee, peut-être que ça aurait été une bonne nouvelle si elle l'avait été aussi. Après, Chichoufei, c'est toujours ce qu'on a dit, c'est que sur 1-2 matchs, on sait le niveau qu'elle a, et moi, à mon avis, elle est au moins au niveau de Yvonne Lee. Mais son problème, il est de tenir 3, 4, 5 matchs à cette intensité-là. On le sait et on va en reparler. Mais je ne suis pas surpris de voir Chichoufei battre 2 fois d'affilée Yvonne Lee, perso. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... En fait, moi non plus. Déjà, Yvonne Lee... C'est dur de juger son niveau contre Chichoufei, mais si tu juges son niveau sur le match qu'elle fait contre la jeune Bulgare, là déjà tu peux un peu plus la juger. Et oui, en fait Chichoufei, je la trouve, elle fait quasiment tout mieux qu'Yvonne Lee. Le problème, c'est que c'est même pas que Chichoufei, elle est pas capable d'enchaîner les matchs, c'est qu'elle est même pas capable d'enchaîner les sets. Sur des matchs, elle s'éteint. Et c'est ce qu'elle a plus ou moins fait sur les deux matchs, surtout sur le deuxième. Hein, sur le deuxième match contre Yvonne Lee, elle n'a pas joué le deuxième set. Elle le laisse set, filer. Ouais, elle le laisse filer parce qu'elle prend le bouillon au début. Quoi. Ouais. Je sais pas, c'est une joueuse si souffle. Enfin, de toute façon, elle a une trajectoire tellement surprenante depuis qu'elle est française. Quand on pense qu'elle va gagner, elle ne gagne pas. Quand on pense qu'elle va perdre, elle ne perd pas. Elle est vraiment imprévisible et... Pour le coup, pas pour le mieux, je trouve. Enfin, on fera un bilan de toute façon après la rencontre d'après. Mais elle était en forme quand même cette semaine. Ouais. Moi, je l'attendais pas. Par exemple, battre 2 fois Yvonne Lee. Pour moi, je m'étais dit, en vrai, si ça va au mixte décisif, ce sera pas une grosse surprise, tu vois. Ouais, ok. Je sais pas. On en reparlera. Thomas Junior Popov, lui, pas de cadeau contre Fabian Ross, victoire 21-13. Margot Lambert et Anne Tran, pour le coup, là, il n'y a pas vraiment eu match non plus contre Effler Lowe, mais dans le sens des Allemandes, pour le coup, qui gagnent 21-17, 21-10. Mais les frères Popov ont battu Marvin Zeidel et Jan Colin Volker, donc, qui remplace Marc Lamsus, 23-21, 21-15. Et donc, pas de match de mix, puisque vous l'avez, vous en souvenez peut-être, quand les rencontres sont à élimination directe, on s'arrête dès qu'une équipe a 3 points. Benoît, pour le coup, qu'est-ce que tu retiens? Bon, on a parlé du simple dame, le simple homme, il n'y a pas grand-chose à en retenir. Ensuite, est-ce que tu dis, voilà, Margot Lambert et Antran, elles m'ont déçu de ne pas plus accrocher Effler Lowe, qui sont 23e mondial. Est-ce que tu dis, les frères Popov, ils ont saisi l'opportunité qu'ils avaient avec l'absence de Marc Lamsus, et ils ont fait le boulot en évitant à Tom Jickel et Delphi Delru d'aller sur un cinquième match. Moi, j'étais un peu dit ce que j'en pensais, j'ai l'impression. Bah oui, tu m'as dit ce que t'en pensais, mais c'est un peu tout ça aussi pour moi, hein, pour la simple et bonne raison que Lambert Tran, elles les ont déjà battues à Flair Lowe. Et moi, Flair, j'ai toujours quand même pensé que c'était le maillon faible de la paire. Enfin, je pense que c'est pas que moi qui le pense, c'est le cas. Et je pense quand même qu'il y a vraiment la place de faire beaucoup mieux contre cette paire. Alors là, finalement, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de dégâts. Mais ça doit faire 3-0 en fait. Tu dois le plier. Et il faut souligner que les Popov font un énorme taf parce que Volker, il a un profil. Bon, c'est pas Marc Lamsus, mais c'est un profil de joueur de double vraiment typé, très proche de Lamsus. Et ils ont fait un vrai, vrai match, les Popov. Très, très sérieux, moi je trouve. C'est à souligner. Et j'ai même envie de dire que Lambert Tran peuvent les remercier parce qu'elles auraient dû faire le taf avant. C'est clair, non mais je suis d'accord, Effler, autant Lowe c'est une très bonne joueuse, autant Effler, bon c'est un peu moins ça quoi. Ouais. C'est palmarès de Effler, je suis grande, mais pas très technique. Pas très mobile quoi, tu vois. Fin... Voilà, non mais je suis d'accord, mais après bon bref, ça reste une bonne paire de double dames, on va pas non plus accabler Lambert Tran. Par contre les Popov, eux qui ont la capacité je trouve de ne jamais être clutch quand ils jouent en double, qui sont souvent des perdants magnifiques en double homme, là pour le coup ils ont été très bons, ouais franchement ok c'est pas Lamsus mais Volker c'est pas un peintre quand même et je trouve que pour des mecs qui faut-il le rappeler ne sont pas spécialistes de la discipline, franchement ils ont fait un vrai vrai match parce que sans rien enlever à Corvée la barre qui les ont battus la veille, c'est pas la même pression quand même, donc il faut savoir jouer avec ce genre de scénario. Du coup, victoire 3-1 des Français qui rejoignent leur deuxième finale consécutive dans cette compétition après celle de 2021. Côté Danemark. Alors, côté Danemark, déjà le miracle, c'était le tirage au sort de l'ordre des matchs. Puisque, comme vous allez le voir, ça les a bien avantagés. Linn Kristoffersen a battu Freya Redfern en simple dame, 21-5, 21-15. Axel Sen a fait joujou avec Johnny Torjussen et a gagné 21-12, 21-8. Et Fregard Tigesen, match plus long, mais victoire quand même contre Bert Schmitz, 21-18, 21-15. Bah oui, Benoît, je parle de l'ordre des matchs, puisque le double homme et le double mixte, qui ont été les deux derniers matchs à être programmés pour cette rencontre, étaient les deux les plus gagnables pour l'Angleterre, malheureusement. Bah, clairement, oui, ça a avantagé le Danemark. Après, je reste quand même intimement persuadé que l'Angleterre doit faire mieux, au moins, sur le double dame. Enfin, Fregard Tigesen. Elles n'ont pas été clutch, Bert Schmitz cette semaine. Hein. Non, et puis quand tu vois le niveau global de Fregard Tigesen, je sais que Bert Schmitz joue moins ensemble. Enfin, on ne sait plus trop si elles jouent ensemble ou pas, d'ailleurs, on ne comprend plus trop. Mais Fregard Tigesen, quand tu vois, on va en reparler, mais quand tu vois ce que certaines ont fait, tu te dis que Bert Schmitz, ça doit faire beaucoup mieux. Ouais, je suis d'accord. Même si effectivement le Danemark était favori, je dis pas que l'ordre des matchs, elle les a fait gagner, parce que autant Ellie Smith, je pense, était assez favori contre Christiansen Magelund, autant Lenvendi, c'est pas du tout dit qu'ils auraient tapé Astrup Søgaard. Hein. Non, mais... Mais par contre, j'aurais bien aimé, je sais pas, par exemple, imaginons l'ordre est inversé, le Danemark est mené 2-0, même s'ils sont favoris sur les trois derniers matchs, bah, j'aurais bien aimé les voir jouer quand même, notamment ce double dame. Pareil. Parce que bon, par contre, on peut retourner dans tous les sens, mais il n'y avait aucun moyen que l'Angleterre prenne un simple. Hein. C'était Ouh là non. C'était pas possible. Donc le Danemark, petit rythme des croisières pour atteindre la finale qu'ils ont toujours atteint dans cette compétition d'ailleurs. C'est à noter depuis sa création en 72. Ils ont toujours fait premier ou deuxième les Danois, donc on ne déroge pas à la règle. Ouais, ils en ont perdu qu'une depuis 25 ans, non, ou 27 ans, genre. Oui, c'est ça. Depuis 96, ils en ont perdu une. C'était en 2013 contre l'Allemagne. Voilà. Et ouais, sinon, la dynastie fait un peu mal. Ils avaient mangé 3-0 quand même contre l'Allemagne dans cette finale. C'était un autre temps, mon cher Ewan. C'était un autre temps. Je pense que les Allemands regrettent encore Marc Schwibler en simple homme, hein, puisqu'ils n'ont pas trouvé de successeur. Mm. Allez, la finale. Oh my goodness! La finale, on s'est gardé du temps puisque il y a beaucoup de choses à dire. On va analyser les matchs dans l'ordre. Comme disent tous les footeux, on va prendre les matchs les uns après les autres. Le mixte en premier. Donc, tu l'as dit, Benoît, pas d'Alexandra Boyeux. Du coup, le pauvre Mathias Christiansen, il joue avec Amalie Magelun. Enfin, le pauvre, c'est pas une mauvaise joueuse, hein, mais c'est pas une paire de mixtes du top 20 mondial, quoi. Tom Jickel et Delphine Delru, victoire 21-17, 24-22. Pour le coup, Benoît, ils avaient une grosse pression parce qu'ils étaient attendus au tournant. On attend à ce qu'ils gagnent tous les matchs sur ces championnats d'Europe. Ils en ont déjà perdu un en début de semaine. Là, ils lancent la rencontre et donc la dynamique française. Et ils jouent contre une paire qui ne se connaît pas vraiment. Donc c'était un match assez tendu finalement, mais les Français ont fait difficilement le boulot en revenant de loin, notamment sur ce deuxième set, si je me rappelle bien. Oui, tu te rappelles très bien. Alors on a vu une Amalie Magelun un peu en difficulté, mais on a vu un Mathias Christiansen très très très fort. Toujours ce truc-là d'avoir du mal à jouer contre les Européens, hein, c'est quand même... assez fou pour Tom Jickel et Delphine Delru, c'est toujours vrai parce que Mathias Christiansen, son intelligence de jeu, sa connaissance des Français, ça a pesé dans ce match parce qu'on a bien vu que Magelun, elle était en dessous du fait de ne pas connaître aussi son partenaire, mais globalement, je trouve. Et puis elle est jeune encore. Ouais, c'est ça. Mais quand même, il passe à deux doigts d'aller chercher un troisième set et puis tu sens que Jickel Delru. Eh ben, ça a trembloté, alors il faut quand même souligner leur maîtrise, mais ça a trembloté quand même. Très bien, 1-0 pour la France à ce moment-là. Voilà. Et là, Benoît, Victor Axelsen contre Christo Popov. Et oui, Christo et pas Thomas Junior, puisque le staff français, et c'est pas la première fois, a vu un truc, je sais pas, mais c'était déjà le cas pour la Thomas Cup en 2021 et les championnats d'Europe par équipe mixte, bah, la même compétition en 2021 également. À chaque fois que c'est Axelsen, on met Christo en face parce qu'on se dit que il a plus le profil pour embêter Axelsen. Ce à quoi je suis plutôt d'accord, je pense. Bah oui. Hein. Même avant le match, hein, vous allez voir. Et là, on se dit, bon, Christo, la dernière fois, il avait pris un set à Axelsen, mais derrière, il avait fini tellement rincé qu'il avait eu du mal à quitter le court en marchant. Véridique, pour ceux qui s'en souviennent. On se dit là, s'il peut lui prendre un set, c'est bien. Et bah, qu'est-ce qu'il fait, Christo ? Il lui prend le premier, 21-15, et en plus, il n'y a pas grand-chose à redire. Là, on se dit, bon, Victor, il est quand même numéro 1 mondial, il perd plus un match, il va se réveiller. Et ben non, puisque Christo repart sur le même rythme. Il mène 17-11 à un moment. 17-10 même, mm-hmm. Et ben là on se dit, bah, Christo il est parti pour remporter la plus belle victoire de sa carrière. Mais Axelsen remonte, volant de 7 pour Christo, volant de match, pas converti, volant de 7 pour Axelsen converti avec un service qui, allez on va être très gentil, on va dire frôle la ligne, mm-hmm. Et derrière, malheureusement pour Christo, le train était passé puisqu'il prend un 5-0 au début du set, il revient un peu, mais c'était perdu. Victoire d'Axelsen 15-21, 22-20, 21-14, et Benoît, que de surprise d'abord et que de regrets ensuite. Ouais, t'as beaucoup décrit le match, je vais rentrer un peu plus, je vais pas revenir là-dessus, je vais rentrer un peu plus en profondeur. La tactique de Christo, c'était full attaque, comme ce qu'il avait fait il y a 2 ans maintenant, l'année dernière. Ouais, il y a deux ans. Et c'est la bonne stratégie. Voilà pourquoi on pense que Christo a le meilleur profil. Le staff s'est pas trompé, je pense. Y a plusieurs choses. Dans ce deuxième set, Christo est meilleur. J'ai pas peur de dire que Christo méritait de gagner ce match, mais ça suffit pas. Le mérite, ça fait pas gagner dans le sport. Il y a pas mal de facteurs. Je pense qu'à 17-10, Christo s'est rendu compte de ce qu'il était en train de faire déjà. Il a commencé... Alors le point à 17-10, c'est le premier demi-scandale. Apparemment, Stéphanie Frappard, elle arbitre pas que les Toulouse-Marseille le dimanche soir. Aïe, aïe, aïe, oh, il est fort. Non, ça, globalement, sur la semaine, il y a eu des vrais problèmes d'arbitrage, moi, je trouve. Mais parce que les championnats d'Europe méritent pas d'avoir le Hawkeye, apparemment. Ouais, non, ça, Benoît, pour le coup, effectivement, on peut dire ce qu'on veut sur l'arbitrage. Ça a été dans les deux sens. Je suis d'accord avec toi, très moyen. Ouais. Mais ils sont pas aidés aussi, les arbitres, il faut le dire, ça. Bien sûr. Après, le problème, c'est que quand t'as un arbitre qui, devant lui, change une décision de son juge de ligne, mais sur le service, n'a pas les couilles, faut le dire, de le faire, alors qu'il l'avait fait en se trompant, je pense, en faveur d'Axelsen juste avant, c'est un peu problématique. Maintenant, Christo s'est écroulé. En restant dans sa lignée, il a commis beaucoup plus de fautes à 17-11. Il a laissé trop revenir Axelsen au lieu peut-être de calmer le jeu, même si j'ai bien conscience que c'était pas la bonne stratégie. Je pense qu'il s'est un peu aussi sabordé. Maintenant, les décisions de l'arbitre sont cataclysmiques. Et même si pas aidé, pour le coup, l'arbitre de chaise est responsable de ce qui s'est passé, très clairement. Mais sur ce match, ça a été ça. Et sur le double homme, ça a été dans l'autre sens. Je pense quand même qu'il y a quand même quelque chose pour les arbitres à noter, c'est qu'ils ont été globalement cataclysmiques dans cette finale. Benoît, je sais que je suis plus ou moins d'accord avec tout ce que tu as dit. J'imputerais malheureusement plus la défaite au craquage de Christo qu'à l'arbitre. Enfin, je veux dire, je sais que toi aussi, mais je veux dire, si on avait tous les deux un pourcentage, moi, je pense pas que l'arbitre ait influé tant que ça sur le match. Peut-être sur le mental du Français, ça, c'est malheureusement impossible. Mais je sais qu'il y a un truc où on n'était pas vraiment d'accord. Moi, juste après le match, je disais, ah ouais, mais Axelsen, il a été nul. Mais il faut savoir gagner quand t'es nul. Et il a été super fort mentalement. Et toi, j'ai pas l'impression que tu n'étais pas vraiment d'accord avec ça. J'étais d'accord sur le fait qu'il était nul. Mais... ouais, non, ça, non, je sais, mais c'est la deuxième partie. mais c'est ce qu'on disait, c'est le mérite, ça fait pas gagner dans le sport. Donc ça, c'est vrai. Enfin, je veux dire, le mérite sur un match ne fait pas toujours gagner. Mais oui, je suis moyen d'accord parce que je pense qu'il a été... En fait, les décisions des arbitres, c'est là où je suis moyen d'accord. C'est que je pense que les décisions des arbitres l'ont vraiment favorisé parce que j'ai rarement vu Axelsen comme ça. Il est passé à deux doigts de briser une raquette sur là où on jette les volants. Je pense qu'il aurait dû prendre un carton. L'arbitre n'a pas eu les couilles de le faire, encore une fois. Mais c'est clair. Il a fini par le mettre. On l'a rarement vu aussi nerveux, hein, Victor Axelsen. C'est pour ça que je disais son mental moyen sur ce match. Et il finit par prendre le carton parce que quand tu brises une raquette sur le terrain, l'arbitre est obligé de te le donner. Mais déjà, je trouve que là, il n'a pas bien géré la situation. C'est Axelsen, peut-être. Mais il y a un moment donné, il y a des gens qui regardent ça. Et on ne peut pas laisser Axelsen faire ça. Ça, c'est un premier truc. Et je pense qu'en fait, les décisions l'ont aidé à le remettre mentalement un peu. Moi, c'est ça, là où je dis qu'il a été bien aidé. C'est que mentalement, en fait, je trouve que c'est plus un retournement des décisions de l'arbitre. Parce que sur le volant de 7, Christo, on voit qu'il se sort dedans et il se sort du match. Et je trouve que dans le troisième, évidemment, on se doute de ce qui va se passer. Mais je trouve que c'est plus là qu'il y a eu retournement que vraiment dans la tête d'Axelsen. C'est là où on n'est pas d'accord, je pense. Ouais, parce que moi, en fait, le truc, c'est que, ok, l'arbitre a peut-être joué un petit lien, mais le truc, c'est que Axelsen, il est au fond du trou, il fait son pire match mentalement et dans le jeu depuis longtemps, très très longtemps même. Ça, c'est sûr. Et un rien peut le remettre dedans, en fait. C'est ça qui est fort, c'est que le mec, il a pas besoin de grand-chose, un mini-truc qui va dans son sens et il est reparti. Et notamment, quand il faut sauver un volant de match, là, pour le coup, bah, c'est pas l'arbitre, quoi. Oui. C'est lui qui a été giga solide, il sort, je crois que c'est une amortie... qu'il faut vraiment oser sortir dans ce contexte parce que lui c'est quand même, on parle de la pression de Jikel Delru, mais lui on s'attend à ce qu'il mette 12 et 12 à tout le monde quoi, même moins que ça. Et les Danois, bah, pour quand ils jouent, c'est 1-0 pour eux déjà, donc là il était au bord de laisser son équipe dans la mouise. Et moi j'admire parce que il faut, comme j'ai dit, pour moi il faut savoir gagner quand t'es pas bon. Et là, Dieu sait qu'il a pas été bon. Et pourtant il a gagné ce match. Évidemment, là je loue le mental d'Axelsen, mais en tant que supporter j'avais l'énorme seum. Hein. Franchement, ce match, Moi qui suis toujours en mode ouais, là j'y crois pas, j'avoue qu'à 17-10, je me suis dit voilà, bon, il reviendra pas quoi. Et tu le vois gratter point après point, et franchement, c'est vraiment dur pour Christo parce que, en plus, bon, vous savez sûrement ce qui s'est passé ensuite, mais je pense qu'il va la, revivre cette scène et ce match-là, il va le revivre dans sa tête pendant quelques jours, voire semaines maintenant. C'est inévitable parce que là, il a eu un volant de match pour la plus grande victoire de sa carrière, tout simplement. Ouais, et d'ailleurs, c'est bien que tu soulignes ça, c'est que le volant de match, Victor Axelsen va le chercher. Et effectivement, là, je te rejoins du coup sur ce côté mental, et là où on sera peut-être d'accord du coup, ou pas, hein, t'as le choix, c'est que je regrette juste peut-être qu'en fait, je pense que Victor Axelsen avait pas besoin de ça, et je regrette que cette décision de l'arbitre, tu vois, aujourd'hui on en discute. J'aurais aimé que Axelsen aille chercher à la régulière, entre guillemets, ce deuxième set et torpille Christo comme il l'a fait dans le troisième, sans cette décision, peut-être, tu vois. Je suis d'accord parce que Axelsen, on l'a vu remporter des matchs comme ça plusieurs fois. Bon, il partait pas d'aussi loin, mais je veux dire, il a pas eu besoin des arbitres pour en remporter des comme et ça dans le passé. C'est dommage qu'on doive en parler, quoi, peut-être. Et ouais, exactement. C'est vrai que c'est dommage, mais le pire en plus, moi j'en veux limite même pas aux arbitres parce que tu fous un Hokai et on n'a même pas cette discussion. Ah, à la chiant. Rigueur, à la rigueur, il resterait quasiment que les hauteurs de service, quoi. Et ce serait le seul truc. Et comme on parle un peu sur le circuit international, et c'est largement mieux. Ok, tu peux pas le mettre sur toute la semaine, mais je sais pas, au moins la finale. Après, s'il était là sur la finale, il serait non, installé tout le temps. Mais on n'est pas sur un district dans le département de la Corse, là. Enfin, à un moment donné, ça va deux secondes, quoi. Je veux dire, ouais. On a ce qui se fait de mieux au monde en termes de joueurs de bad. Faut pas déconner, c'est honteux. Il faut le dire, c'est honteux qu'il n'y ait pas le Hokai sur une finale de championnat d'Europe. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Franchement, oui, non, mais c'est vrai, t'as quand même le numéro 1 mondial sur un terrain, tu le fais pas jouer sur. T'as une top 5 mondiale, un mixte, enfin. Mais oui, tu les fais pas jouer dans les mêmes conditions que même que le top 12, tu vois. Donc, ouais, voilà. Ouais, non, c'est clair. Allez, on a pris du temps, on va enchaîner sur le troisième match où ça va aller plus vite. Lynn Christophersen a éparpillé Chichoufei 21-12, 21-11. Benoît, là, après le seum que Christo nous a filé, Chichoufei nous le file aussi, mais pour une raison totalement différente. Et c'est là que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à l'imprévisibilité de cette joueuse. Bah ouais. Et je lis à ce que toi tu disais tout à l'heure, le fait qu'elle ne sache pas ou qu'elle ne puisse pas enchaîner des matchs de haut niveau, et ben là, on a vu les deux d'un coup. Eh ben oui. Et en fait, c'est le match que t'es le plus loin de remporter. Mais j'en voudrais toujours plus à Chichoufei qu'à Christo Popov. Ah, moi aussi. Pas gagner. Mais ce qu'on a vu là de Chichoufei, est-ce que le staff pouvait pas le prévoir? Est-ce qu'elle a pas su trouver les solutions? Je me suis posé plein de questions. Et à l'arrivée, je me suis dit, est-ce que fallait pas tenter le coup Léonie Chué? Parce que là, tu l'as donné le match. Tu t'es, enfin, je sais, j'ai pas les raisons. Est-ce qu'elle était cramée à ce compte-là? Il fallait pas la faire jouer. Est-ce que non, c'est juste que Lynn Christophersen a été trop forte. C'est possible parce qu'elle a été très forte. Mais bon, après les, ouais. Est-ce qu'il fallait pas tenter Léonie Chué? Je sais pas. Non, pour moi, il fallait pas faire jouer Chichoufei. En fait, Chichoufei, il fallait la mettre dans un caisson avant ce match-là. Il fallait la faire jouer un match pour moi. Pas la tu l'as fait jouer une fois. Une fois contre Yvonne Lee, c'est tout. Ok, et pas la demi-finale, quoi. Ou alors que la demi-finale. Ou alors que la demi... Allez, tu l'as fait jouer le tout premier jour contre les Pays-Bas. Mm-hmm. Tu l'as fait jouer la demi ensuite contre l'Allemagne et ce match-là. D'accord. Parce que là, elle n'avait pas la caisse. Là, du coup, ils ont fait jouer Léonie Sué, mais le tout premier jour, quand ça servait à rien. Et derrière Chichoufei a joué 3 jours d'affilée. Ouais. A joué 4 jours d'affilée, du coup. Mm-hmm. Mais à quoi ça sert? Tu sais que, franchement, c'était écrit, on le sait tous que Chichoufei, elle ne sait plus enchaîner les matchs physiquement, elle n'y arrive pas, et c'est pour ça qu'elle ne perd pas sur un seul tournoi depuis 100 ans. Et ça m'énerve, parce que si elle est blessée avant, dans ce cas-là, tu ne la mets pas. Mais tu ne peux pas prendre 12 et 11. Moi, franchement, avant la rencontre, si tu m'avais donné ça sans savoir que Chichoufei avait joué 3 jours d'affilée avant, si tu m'avais dit quel match t'es sûr de gagner côté français, je t'aurais dit en 1 le mixte et en 2 le simple dame. Pour moi, il était sûr. Et là, c'est même pas qu'elle a perdu, mais là, c'est qu'elle a pris une leçon de bad. Et pour moi, c'est pas possible, surtout quand Tu vois que Christophersen a galéré à battre Freya Redfern 2 jours avant, et que Christophersen, depuis qu'elle a explosé il y a 2 ans, bah maintenant elle fait rien sur le circuit international, elle n'en gagne pas des matchs. Donc voilà, en vrai là, elle m'a bien saoulé cette défaite. Ouais, je le sens. Et difficile. Non, mais difficile de te donner tort, parce que Christophersen, je crois que c'est, j'en parlais sur nos réseaux sociaux. Je sais plus exactement avec qui, je suis désolé, mais il me disait elle a les mêmes limites que son frère, et je trouve ça, j'ai trouvé ça assez juste. C'est que physiquement sur un match, elle a du mal à tenir l'intensité. Mais effectivement, sur un match de 35 minutes où en face, c'est un sparring partner, elle va tenir Lynn Christophersen. Bah ouais, sauf... bah, la limite, elle, bah a ouais. Les, elle a les mêmes limites que son frère, sauf que son frère, il est resté à la maison jouer à la play, tandis qu'elle, elle, elle oui. Est venue bâcher Chichoufei. Non mais voilà, donc c'est ça, c'est qu'il y avait vraiment la place, et sauf que tu... mais il n'y a pas la place, puisque Chichoufei, elle a joué, c'est son 4e jour de suite, pour les raisons que tu as données, c'était pas possible. Et c'est frustrant, parce que voilà, Christophersen, je pense que cet avis, je le partage, qu'elle est, elle a du mal à tenir physiquement un match d'une heure et demie. Ça s'est révélé vrai très souvent ces derniers mois. Et, sauf que, évidemment, si elle joue 35 minutes, elle est capable de tenir. Ben voilà. Je me souviens qu'avant qu'il y ait les compos et tout, même qu'il y ait les équipes, on se disait « Ah, est-ce que tu crois dans un bon jour ?» On pensait déjà aux France-Danemark. On se disait « Est-ce que Chichoufei, elle peut taper Mia Blichfeldt ?» Mia Blichfeldt, en ce moment, elle est bien, elle est pas bien, donc il y a peut-être moyen et tout. Et si on nous avait dit qu'elle allait prendre 12 et 11 contre Lynn Christophersen... On l'aurait pas cru. Et du coup, à ce moment-là, c'est double coup dur, parce que entre le match de simple-homme où t'as eu un volant de match, tu le gagnes pas, et le match de simple dame où normalement tu t'avançais en se disant il y a des bonnes chances que ça tombe de notre côté et tu prends une leçon, bah t'es mené 2-1 et maintenant t'es obligé de faire exploit sur exploit. Ouais. Le double homme. Benoît, qu'est-ce qu'on était content de voir la compo des 2 derniers matchs. Franchement, c'est vrai qu'on l'a pas dit, on n'a pas parlé compo sur cette rencontre, mais moi, je pense que sans me vanter ou quoi, j'aurais fait exactement la compo qu'ils ont mis là. Oui. Je sais pas dans quel état était Chichoufei, je vais pas y revenir dessus, mais j'aurais mis exactement cette compo avec Christo contre Victor Axelsen. Et surtout avec cette paire Tom Jikel, Thomas Junior Popov en double homme. Depuis le temps qu'on l'appelle de nos voeux, Benoît, je sais pas si on en a assez parlé dans ce podcast, mais j'ai l'impression, j'y pense tous les jours avant de m'endormir à cette paire de double homme. Non mais attends, faut dire les choses là. Cette compo, c'est la compo qu'on aurait dû mettre il y a 2 ans quand on prend 3-0 contre le Danemark. C'est la, bah oui. Cette compo là, c'est la meilleure compo qu'on puisse aligner sur une finale de championnat d'Europe. C'est la meilleure compo qu'on puisse aligner sur une Sudirman Cup. J'ai rien contre les partenaires, mais les Popov en double, c'est pas une paire de doubles. Faut arrêter. Ta meilleure paire, c'est Tom Jikel dedans. Il y a pas débat. Ta meilleure paire de double dame, il y a Delphine Delrue dedans. Et je me souviens même que c'est assez drôle parce que je te l'ai pas dit. Mais Richard, que tu connais très bien, avec oui, qui, de Badmania. Voilà. A fait la même que toi. Il a vu la compo, il a vu que Tom Jikel doublait et il s'est arrêté là. Il a même pas fait gaffe, comme toi, quand tu me l'as dit par message, que Delphine Delrue joue aussi le double dame. Ben oui, parce que moi j'avoue, j'ai vu Tom Jikel, Thomas Junior Popov, j'étais en mode oh, c'est trop le feu. Oh, c'est Noël là, c'est Noël avant l'heure. J'ai peut-être envoyé des gifs hélicobites, mais ça reste en off. Non, mais en vrai, c'est là on en fait, vous trouvez peut-être qu'on en fait beaucoup, mais quand t'as une paire qui est maintenant top 5 mondial en double mixte, tu les mets en double mixte, ensuite tu les mets chacun dans leur tableau en double dame et en double homme, et après tu réfléchis à qui tu mets avec eux. Pour moi, c'est comme ça que tu réfléchis. Si on avait des paires top 5 en double dans tous les tableaux, on ferait comme la Chine, on s'embêterait pas à faire jouer sur 2 tableaux certaines paires. Mais ce n'est pas notre cas, on n'a pas ce luxe, et en double homme jusqu'ici on mettait une paire qui ne s'entraîne pas en double homme. Bref. Tom Jikel, Thomas Junior Popov, pourquoi ça a du sens? Pour plusieurs raisons. D'une, au niveau des profils, pour moi ça match complètement. De deux, là pour le coup contre le Danemark, comme tu savais que tu faisais jouer Christo en simple homme, du coup tu fais jouer Thomas, et comme ça les deux Popov n'ont pas à jouer 2 matchs, et surtout pas un match de simple plus un double, puisqu'à chaque fois ils sont cramés quand ils font ça. Et de 3, les deux, c'est pas des inconnus l'un pour l'autre, puisqu'ils ont été champions d'Europe junior à 2. Donc, ok, ça remonte un peu, mais c'est des mecs qui ont déjà joué ensemble. Donc, pour toutes ces raisons, ça avait du sens. Benoît, est-ce que tu vois une autre raison ? J'en vois une autre, c'est que séparer les pop-off en double, on a bien vu que beaucoup de gens ont été, je pense que toi comme moi, pas forcément, mais beaucoup de gens ont été surpris de voir que peut-être Thomas Junior Popov est le meilleur joueur de double des deux. Je sais que ces derniers temps, ça court que, enfin la rumeur, c'est pas une rumeur, mais les gens trouvent que Christo est super fort en double et tout quand il joue avec son frère. Mais moi je pense que les deux, faut pas les juger ensemble, et je pense que le meilleur, celui qui a le meilleur profil de double, c'est Thomas Junior, et je pense que beaucoup s'en sont rendus compte, parce qu'avec un mec comme Tom Jiquel, eh ben clairement c'est plus facile aussi pour lui d'être lui-même sur le terrain. Non pas qu'ensemble les frères ils sont pas capables de jouer, mais je pense que beaucoup se sont rendus compte que en fait Thomas Junior Popov en double, c'est un vrai vrai joueur. Dernière raison, là tu parles du jeu, et moi dernière raison, je suis totalement d'accord avec toi, je parle du mental. Je trouve que frères Popov, quand ça va pas bien en double homme, ils se tirent tous les deux vers le bas. Eh oui. Et je pense que, pour le coup, mentalement, c'est surtout Christo qui tire Thomas Junior vers le bas, je trouve. Qui, lui, peut-être subit un peu plus la situation quand il joue avec son frère. Alors que là, je l'ai trouvé totalement différent, même dans l'attitude, quand il jouait avec Tom Jiquel. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai beaucoup aimé son attitude. Et d'ailleurs, Tom Jiquel l'a dit en interview d'après-match. Il a dit, les 5 derniers points, c'est Thomas Popov qui s'est mis en mode patron. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et ce qu'il a fait là, sur les derniers points du match, dont on va parler tout de suite un peu plus dans le détail, j'ai jamais vu Thomas Junior Popov faire ça en double quand il joue avec Christo. Non, on le voit un peu à Foss, parce que Thomas Junior Popov, la vérité c'est que des doubles, hein, il en perd pas beaucoup en top 12, mais là on était à un autre niveau, et je suis bien content honnêtement qu'on voit ça de lui, et que lui aussi je pense que ça lui fait pas de mal, et je suis d'accord avec toi, hein, sur tout ce que t'as dit sur Christo. Je pense que Christo, il tire vers le haut comme il tire vers le bas. Pour moi c'est lui le leader de cette paire, et c'est pas forcément une bonne chose, c'est pas une critique envers Christo, mais je pense que les deux frères qui jouent ensemble c'est compliqué. Et on s'est rendu compte là aussi, je pense que, bah oui, c'était deux très bons joueurs, mais clairement, ouais, Tom Jiquel l'a dit, et je le rejoins là-dessus, c'est qu'on a vu que Thomas Junior Popov sans son frère, c'est autre chose. Je te rejoins. Le match, ils ont gagné, donc vous avez peut-être compris à travers ce qu'on dit, ils ont gagné 21-19 contre la paire Astrup-Segard. Vrai match de double homme, Benoît, où on a vu du coup deux paires qui ne se connaissent pas, puisque je le rappelle, Anders Karup Rasmussen est absent. Du coup, c'est comme souvent Segard qui fait le remplaçant quand il faut au Danemark. Et Benoît, on a vu pour le coup un match giga équilibré, qui aurait mérité d'aller au troisième set, mais les Français qui ont été pour le coup giga clutch, hein, parce que pour moi, ils dominent pas vraiment ce match, hein, qui est, comme je l'ai dit, très 50-50. Mm-hmm. Les Danois ont fait un nombre de fautes ahurissant à ce niveau. Les mecs, ils ont sorti des volants sur les côtés, surtout, ils en ont sorti... je sais pas s'ils ont du mal avec la salle ou quoi, je sais que Fregard Tigesen ont un peu fait des fautes là-dessus aussi après. Ouais. Mais ils ont fait beaucoup de fautes. C'était pas le plus beau match de double homme, on va pas se mentir, au niveau du jeu. C'est surtout au niveau de, on va dire, de l'intensité et de l'enjeu que c'était sympa. Ça, c'était limite un peu à c'était très tendu. Kim Astrup, il a pris un jaune. Segard, je pense qu'il n'avait pas été loin d'en prendre un. Je sais qu'ils ont pas trop aimé non plus l'attitude des Français parfois. Mais voilà, on a forcément, surtout avec l'issue, on a passé un bon moment. Ouais, on s'est bien régalé, parce que Tom Jiquel aussi, pas le dernier pour chambrer. On a passé globalement un bon moment. C'est vrai, le niveau de jeu, sans être sensationnel, a été quand même très très bon pour deux paires qui se connaissent pas. Oui, pour deux paires qui se connaissaient pas, franchement, c'était bien. Hein. Ouais. Exactement. On aurait bien pris en troisième set, ça c'est vrai aussi, mais ils ont été giga clutch, les Français. Et on a beaucoup parlé des Français, c'est vrai qu'on parle beaucoup là, j'ai bien conscience, je vois le chrono défiler, mais il y a tellement de choses à dire. Oui, moi aussi. On peut parler des Danois aussi, je voudrais en dire un mot. Hein. Parce que Kim Astrup, là, sympa. Première sélection encore, non, pour lui. J'ai l'impression que ça se... C'est première sélection à chaque fois qu'on le voit, lui. Ça se passe comment ? Kim Astrup, il a toujours le même problème. C'est que c'est pas un leader, alors que maintenant, c'est un ancien de l'équipe. Il a le leadership. Là, il joue... C'est bon. Il joue avec Segard, qui ne joue pas beaucoup avec l'équipe danoise. Et c'est Segard qui doit le bouger. Et ça, c'est pas trop normal. Segard qui a fait un de ses pires matchs que j'ai vu en par équipe. C'est clair. Parce que d'habitude, il est vraiment... C'est le pompier, quoi. Genre vraiment dans un... Oui, mais d'habitude, il joue avec Rasmussen. Et pour moi, il a plus un profil pour jouer avec Rasmussen. De toute façon, à partir du moment où tu joues un match décisif avec Kim Astrup, tu sais que... si t'es pas venu avec l'armure de Thor, tu t'en sortiras pas, puisque l'autre, il a un mental de chips, donc... Non, mais là, oui, en plus, il a fait le conf, il a pris un jaune vraiment gratos. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui m'a interpellé, c'est qu'il a pris un jaune, ok, qu'il doit pas prendre, mais parce qu'il interrompt le français qui va servir. Mais Axelsen, il a pris la même chose alors qu'il a explosé une raquette. Au bout d'un moment, les arbitres, il faut un peu de cohérence. Si ça, c'est jaune, Axelsen devait prendre rouge tous les jours, mais bon, bref. J'aurais fait jouer Mathias Christiansen, qui a été beaucoup plus solide. Enfin, tu vois, et à un moment. Ah ouais, ouais. Mais Kimastrup. Avec ce garde ? À la place de Kimastrup. Ouais, donc tu te passes de Rasmussen plus d'Astrup, quoi. Sachant que Rasmussen n'est pas là, Astrup, il te fait la même tous les ans. Ce soit sur une Sudirman, sur une Thomas. Donc oui, il y a un moment, s'il n'y a pas Rasmussen, ras-le-bol, quoi. Enfin, je veux dire, oui, tu le punis. Oui, ok, tu le punis peut-être, mais. Enfin, ça va parce que le Danemark s'en sort et que je pense que nous, on retient ça, mais les médias danois l'auront oublié. Mais Kimastrup, il gagne pas un match décisif. Hein. Je sais pas si les médias danois vont l'oublier. Je pense que lis pas trop tout ce qui se dit, mais au bout d'un moment, je pense que ça va être un peu remis en question. Là, avec la qualif olympique qui arrive, je pense que ça m'étonnerait encore une fois qu'ils soient séparés, Astrup et Rasmussen. Mais je me demande quand même si au bout d'un moment, il n'y a pas une voix qui va... Eux, ils ont été habitués à des Bo-Mogensen quand même. Là, c'est quand même un déclassement qui fait très mal. Ouais. À ce moment-là, 2-2. Et on a été très content de la compo du double homme. On a été également, Benoît, très content de la compo du double dame, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, Delphine Delru alignée avec Margot Lambert face à Frøgaard Tigesen. Ok, on restait pas favori, mais de toute façon, avec n'importe quel paire, on n'était pas favori contre Frøgaard Tigesen. Et très content de voir Delphine Delru. Comme on l'a dit quand on a fait notre débrief des championnats de France très récemment, on a vu sur ces championnats de France à quel point c'est elle la meilleure joueuse française de double dame. Et tout comme Tom Jiquel en double homme, elle doit jouer ce genre de match. Oui, t'as tout dit. Ce qui est un peu terrible, t'as parlé des France, et c'est que, en fait, Delphine Delru, elle a vécu la même chose qu'aux France, un peu dimanche, malheureusement. Samedi, pardon. On a senti que. Et Benoît. Oui, vas-y, pardon, vas-y. Ouais, non, juste pour terminer. Delphine Delru, ok, mais pour le coup, là, la question se posait un peu plus en double homme de qui tu mets avec elle. Et encore une fois, moi, j'aurais mis exactement cette compo avec Margot Lambert. Est-ce que toi, même en sachant que du coup, elles ont perdu, comme on va le dire, est-ce que tu penses que c'était un bon choix ? Oui. Oui, il fallait tenter le pari. Pour moi, il n'y a même pas débat. Alors, après coup, c'est facile de... En fait, j'ai tellement toujours appelé cette compo de mes voeux et on a toujours appelé cette compo de nos voeux qu'aujourd'hui, je cracherai pas sur un staff qui a fait des choix. Clairement, je préfère ça. Perdre avec panache que perdre 3-0 comme il y a eu il y a 3 ans en tentant quasiment rien. Il y a 2 ans en tentant quasiment rien. Même si je pense que la présence de Delphine Delru t'a fait autant gagner ce premier set que perdre les deux suivants. Benoît, je te demande la question, je te pose la question sur... Sur Margot Lambert, puisque là c'est quand même un désaveu envers Anne Tran. Ouais. Cette compo, puisque tu l'enlèves et tu mets Delphine Delru avec la joueuse la moins expérimentée des deux, en l'occurrence de Lambert Tran. Et t'es assez d'accord. Et le pire, c'est que moi aussi, je suis totalement d'accord. Je pense que c'était le bon choix au niveau des profils comme au niveau caractère. Je pense que c'est bien Margot Lambert qu'il fallait mettre. Et notre avis sur Anne Tran, il n'a pas changé malheureusement. Oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'un débat avait été lancé en demandant si elle était sous-cotée ou sur-cotée. Je répondrai même pas à la question. Parce que c'est pas le débat, à mon avis. Mais oui, pour moi, il y a une forme de désaveu. Mais c'est logique, cette compo d'Elru Lambert. Alors, après coup, c'est facile de dire on a perdu, c'est vrai. Et je pense que c'est lié. T'as gagné le premier set parce que Delphine Delru était hyper forte. T'as perdu les deux autres parce qu'elle s'est éteinte. Maintenant, moi, je reste persuadé qu'il fallait le tenter, ce coup. Défaite des Françaises qui avaient pourtant gagné le premier set, 21-17. Derrière, elles perdent 21-15, 21-14. Benoît, il y a eu ce premier set un peu fou, et derrière, on a eu plus l'impression de voir le match auquel moi, personnellement, je m'attendais, c'est-à-dire des Françaises vaillantes, mais qui tombent un peu face à un mur de réalisme un peu froid. Alors, c'est Frøgaard Tigesen, je sais que toi, tu n'as pas un très bon avis, on va dire, si je peux le dire comme ça, sur cette paire que tu... Avec laquelle je trouve, moi, personnellement, que tu es un peu sévère. Ok. Parce que Frøgaard Tigesen, c'est comme ça. C'est du pas flamboyant, mais au niveau européen, bah, c'est plutôt efficace. Et elles l'ont encore montré dans un match où je trouve qu'il faut leur donner un peu de crédit parce que, ok, elles ont perdu un set, mais elles avaient la giga pression. Elles devaient gagner ce match. Elles n'ont pas été aidées, notamment par leur, par leur double homme juste avant. Et bah, elles ont fait le boulot. Ouais, ouais, ouais. Alors, je suis d'accord. Elles ont clairement assumé la pression. En fait, elles ont fait un très bon match. Je vais pour plusieurs raisons. C'est que dans le premier, elles ont laissé passer la tempête, notamment la tempête Delphine Delru qui fait un premier set assez exceptionnel. Fruggarty-Gaissen, faut dire la vérité, elles ont eu un niveau top 10. C'est plus le cas. Je suis dur avec elles, surtout ces derniers mois, parce que je pense qu'elles sont. Enfin, on est très loin du niveau. Du double dame danois qu'on a eu, mais en tout cas cette semaine elles ont été giga clutch, elles ont jamais rien donné. Et encore une fois, le deuxième et le troisième, tu l'as bien dit, c'est le match qu'on attendait. Elles ont laissé passer l'orage, une sorte de force tranquille, j'ai trouvé. Fruggarty-Gaissen, ouais, c'est ça, sans voir un bon match, c'est ça, on n'a pas vu un ouais, bon non, match, ouais, non, exactement, mais ouais. Elles ont jamais eu l'air vraiment sous pression, même après avoir perdu le premier, tu vois. On parlait de Kim Astrup juste avant. Fruggarty-Gaissen, je les ai pas vus trembler, tu vois. Comme elles ont pas non plus exulté comme des folles après la victoire, tu vois. C'est que je pense qu'elles y ont tout le temps cru, en fait. Même dans une salle acquise à la cause des Françaises. Même avec des Français, des joueurs et joueuses français qui font du bruit. Même avec un set de concédé. Franchement, elles ont été solides. Et franchement, bah, nous, on est très très déçus, mais. Faut leur rendre hommage. Il faut le mettre au crédit des Danoises, je trouve. Ouais, ouais, très clairement. Même si on peut reprocher certaines choses aux Françaises, Delphine Delru qui s'est un peu éteinte, je pense physiquement déjà, Margot Lambert qui a pas retombé dans ses travers, mais en défense, on sait que c'est plus compliqué pour elle. C'est un de ses défauts, je pense. Et clairement, ça s'est ressenti. Elle a beaucoup d'attaques sur elle, pas mal de fautes. Mais je pense qu'il faut donner. Et Margot Lambert aussi, je trouve qu'il était un peu crispé et n'a pas voulu prendre de risques. Elle a une super attaque, Margot Lambert, on le sait tous, et qui ne l'a, je trouve, pas assez utilisée. Elle a trop souvent dégagé devant, quoi, en gros, quand elle était pas forcément dans une meilleure position. Et ce qui fait que Delphine Delru, elle a fait des fautes, mais elle a fait des fautes aussi parce qu'elle était constamment mise sous pression, quoi. Quand t'as que des volants qui descendent, c'est dur d'en faire quelque chose, quoi. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je veux pas tomber sur les Françaises. Faut donner beaucoup de crédit à Fruggarty-Gaissen. Et c'est vrai que je suis dur avec elle parce que je trouve qu'aujourd'hui, je suis même pas sûr que dans un an et demi, elles soient en tête de la qualif olympique. C'est un autre débat, mais en tout cas, elles ont bien sauvé le cul de Kim Astrup et Frédéric Segard. Exactement. Victoire 3-2 des Danois, qui j'ai été un peu surpris quand même, malgré une rencontre sous tension. Ouais, non, pas exulté spécifiquement. Ça doit faire ça quand t'as gagné les 5 dernières et en gros quasi toutes les éditions depuis 96. Mais voilà, peut-être plus un soulagement qu'autre chose pour les Danois. Ouais, je pense, je te rejoins, je pense qu'il y a de ça. Je pense que le Danemark s'en sort très bien, quand même, faut le dire. Mais il y a tellement de motifs d'espoir. Oui, on est à chaud, on était déçus. Mais en même temps, tu te dis que ce que t'as montré là, putain, mais ça laisse tellement de place sur une génération. Ils ont tous moins de 25 ans, à part Chichoufei, là. C'est clair. Si on se trouve un simple dame qui peut rivaliser rien qu'en Europe. T'emballes pas, Ewan. Non, mais en fait, c'est dur parce que d'un côté, Benoît, je comprends ton avis, l'avis optimiste, vers à moitié plein, c'est-à-dire là, on a une telle génération qui arrive, cette rencontre, même si on la perd, il y a motif d'espoir. Et à la fois, je me dis, là, on avait notre meilleur compo depuis. Peut-être toujours, oui. Allez, notre meilleur compo depuis 10 ans. Oui. Les Danois, ils avaient leur pire compo depuis 10 ans, c'est-à-dire avec des absents, notamment plus un Axelsen qui a fait son plus mauvais match depuis des années, et on gagne toujours pas, et ça c'est dur quand même. Oui, mais non, mais c'est bien qu'on ait les deux versions, même si je sais que tu le dis aussi pas pour te faire l'avocat du diable, mais parce que... Bah, j'ai pas pu m'empêcher de le penser. Je me suis dit, en fait, avant la rencontre, je me disais, mais si on gagne pas là, quand est-ce qu'on va gagner, quoi, tu vois? Et j'ai encore un peu cet avis après, quoi. C'est dur. L'Allemagne qui met 3-0 au Danemark en 2013, ou je sais plus quelle année. Voilà. Et 2013, exactement. Ouais, eux l'ont fait. Et en fait, Tu vois, genre, si tu reviens avant, où tu te dis, avant, ils avaient du Bo Mogensen, ils avaient du Ritter Jule Pedersen, ils avaient des trucs de fou. Les Danois, ils ont une équipe qui est portée par Axelsen. Enfin, Axelsen, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce que leur équipe, ce n'est que l'ombre de l'équipe qu'ils avaient il y a 10 ans. Mmh. Alors que nous, c'est l'inverse. Nous, on a largement une meilleure équipe qu'il y a 10 ans, sans vouloir manquer de respect aux joueurs qu'il a composé. Donc il faudrait que cette équipe, on en est très content évidemment, mais il faudrait qu'elle se mette à gagner quoi. Ouais, après dans 2 ans on sera toujours, même l'année prochaine pour les filles et garçons séparés, ce sera plus compliqué je pense sur les filles et garçons séparés, mais on sera toujours à mon avis en mesure de battre le Danemark. Alors oui, c'est pas leur meilleure équipe et tout, mais c'est aussi des questions générationnelles. Et, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on on doit avoir des regrets. Si on n'en a pas, c'est pas une bonne chose. Et on sait que cette génération-là, on les entend parler, on les entend en interview et tout. Bien sûr qu'ils regrettent de ne pas l'avoir gagné. Voilà, maintenant, ceci étant dit, ils nous ont quand même fait kiffer. J'ai du mal à dire, j'ai vu pas mal qu'ils avaient dit ils nous ont fait kiffer toute la semaine et tout. Alors, ok, mais Benoît, on va pas se mentir. Tout autre résultat qu'une finale aurait été extrêmement décevant pour la France. À partir du moment où il n'y a pas la Russie, on savait très bien que s'ils ne faisaient pas finale, c'était un échec. Alors moi, je me concentrerais même pas sur la semaine, même si voilà, c'était sympa, mais je me concentrerais plus sur cette rencontre où bah, ils nous ont fait vibrer. Merci au staff qui a enfin fait la compo qu'il fallait faire. Enfin, qu'il fallait faire, je ne sais pas, mais celle en tout cas qui nous a laissé y croire. Et ouais, on a kiffé. Elle fait plaisir, cette équipe de France, globalement. On aime bien les voir jouer et tout. Ouais, bah, je ne peux que approuver ce que tu viens de dire, et je pense, on en parlait en off, mais quasiment aucune équipe dans ces compétitions n'est allée au bout en gardant une ossature avec des titulaires. On a toujours vu des paires splittées, et moi j'ai jamais compris pourquoi la France le faisait pas. Tu sais, ça faisait un peu genre nous on continue dans notre ligne qui fonctionne pas, mais nous, continue. C'est la rigidité. Ça marche pas, mais on y va, quoi, non. Tu vois. Ouais, non, c'est ça. Eh, vas-y, c'est bon. On a vu que on était capable aussi de prendre des décisions, de couper des paires. Et ouais, comme toi, ils m'ont fait kiffer, le staff, par ses choix, et même les joueurs. Jamais sur le banc, jamais il y a eu tête basse. Même quand Delru Lambert, on savait que c'était compliqué dans le deuxième, dans le troisième, ils ont continué à chanter et tout. Voilà. Ouais, c'est cool. Ils nous ont fait kiffer, et ils ont kiffé, je pense. Je sais que à chaque fin de compète comme ça, l'attitude des Français est toujours un peu critiquée. Là, je l'ai vu, c'est encore le cas sur le Twitter international, notamment des fans danois. Je sais que à Liévin, il y a 3 ans, on avait été aussi critiqué pour ça. Mais quel kiff, moi, je dis, mais continuez de faire du bruit, bah oui. continuez de prendre Ronan Labarre sur toutes les compètes jusqu'à ce qu'il ait 80 ans, juste pour qu'il fasse du bruit. En vrai, c'est moi, franchement, l'attitude des Français, je la trouve toujours très très cool. Donc j'espère qu'ils nous feront vibrer la fois prochaine, tu l'as dit, en 2024 pour les championnats par équipe séparés, et en 2025 pour le retour de cette compétition. Je sais même plus si on l'a dit, mais c'était hier sur la liste, et c'était la première fois après vérification que la France accueillait cette compétition. C'est ça aussi, plus l'absence de la Russie, qui me faisait un peu dire c'était le maintenant ou jamais. Mais allez, on va dire c'est pas maintenant, mais ce sera bientôt. Benoît, on a beaucoup parlé. 1h10. voilà. Alors que pourtant, les phases de groupe, il n'y avait rien à dire. Je ne sais pas comment on fait pour dépasser encore l'heure. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais juste donner les qualifiés pour la Sudirman, si tu m'en laisses. Oui, je t'en temps. Prie, vas-y. Oui, bien vu. Alors, ce sera en Chine. Donc, la Chine en tant que pays hôte. En Asie, se sont qualifiés la Corée. La Chine avait gagné, de toute façon. Donc, voilà. La Corée, finaliste. La Thaïlande, l'Inde, demi-finaliste. Le Japon, qui a une petite astérisque que je peux pas vous donner la raison. En Europe, les 4 demi-finalistes, donc Danemark, Angleterre, France, Allemagne. En Amérique, c'est le Canada qui a gagné, donc qui se qualifie. En Océanie, c'est l'Australie qui a gagné, qui se qualifie. En Afrique, c'est l'Égypte. Et on a 4 qualifiés au ranking, donc l'Indonésie, la Malaisie, Taïwan et Singapour. Sans surprise, que des équipes asiatiques. Voilà, des équipes asiatiques qui n'ont pas forcément joué le jeu pour les championnats d'Asie, mais qui seront quand même là. Au passage, ouais, juste pour finir, c'est l'Inde qui a perdu en finale contre la Chine dans ces championnats d'Asie. Donc, même s'il y a eu... En finale, non, tu... Non, ils ont perdu en finale, non ? C'était Shin Kore. Ah oui, non, en demi, pardon. En demi, t'as raison, 3-2, ils ont perdu en demi, ouais, et en phase de groupe. Ouais, pardon, oui, oui. T'as raison. Mais, non, mais je voulais juste dire que ça, l'Inde capitalise un peu sur sa Thomas Cup. Ils sont dans une bonne passe avec Pranoy qui a notamment tapé Lizidja, parce que Pranoy, ces derniers temps, quand il décide d'appuyer sur un bouton, il se transforme en Lee Chong Wei Prime. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi, c'était encore très cool. On a hâte de faire un épisode sur une grosse victoire de l'équipe de France sur une compète comme ça. Là ça durera 2 heures et je peux vous dire que voilà, on sera bien content de la faire. Et ben merci à toi Ewan, merci à vous pour votre écoute, et évidemment croyez-nous qu'on sera là le jour où l'équipe de France, je vais pas dire gagnera la Sudirman, mais sera championne d'Europe. Voilà, on espère. Alors, comme je l'ai dit, la poule 2 de top 12 de la J7, ça arrive jeudi ou vendredi. En tout cas, ça arrive bientôt dans cette semaine. Et après, ce sera encore du top 12, la J8 qui arrive dans la foulée. Donc là, on va se faire 3 épisodes de top 12 d'affilée. Et après, il me semble que viendra bientôt le moment du début de la tournée européenne avec le German Open. Et ensuite, le All England, vous inquiétez pas, on va vous faire vivre ça. En long, en large et en travers, comme d'habitude. Merci à tous de nous écouter. Si vous êtes encore là après ce long épisode, merci beaucoup. À la prochaine, portez-vous bien. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头，我们的梦握在手中。